grogne au petit matin. C'est notre côté chien. Vous ronronnez sous les draps. C'est notre côté chien. On patauge dans le bain. C'est notre côté chien. Vous vous poudrez le minois. C'est notre côté chien. Belle, nous sommes et parfois vous griffez, on aboie. C'est humain, on le sait bien, entre chat et chien. On a l'humour cabotin, c'est notre côté chien. Vous l'avez plus délicat, c'est notre côté chien. On s'énerve pour un rien, c'est notre côté chien. Vous gardez votre sang-froid, c'est notre côté chien. Belle, tout sommes et parfois vous riffez dans la voix. C'est humain, on le sait bien, entre chat et chien. Jardin, c'est notre côté chien. Vous rêvez à d'autres toits, c'est notre côté chien. On se méfie du voisin, c'est notre côté chien. Vous vous glissez dans ses bras, c'est notre côté chien. Bête nous sommes et parfois vous griffez et on la voit. C'est humain, on le sait bien, entre chat et chien. Soupir quand on vous tient, c'est notre côté chien. Vous vous jouez de notre émoi, c'est notre côté chien. On frétille et puis plus rien, c'est notre côté chien. Vous prolongez les ébats, c'est notre côté chien. Bête, nous sommes des parfois, vous griffez, on aboie. C'est humain, on le sait bien, entre chat et chien. Bête, nous sommes des parfois, vous griffez, on aboie. C'est humain, on le sait bien, entre chat et chien.